regarde de la façon dont je vois ça, je veux dire, l'être humain, il est un peu comme une créature qui a été mise dans une ménagerie. Donc, je veux dire, la notion d'extraterrestre, ça devient bizarre, là, dans le sens que c'est de plus en plus, on est de plus en plus formaté pour voir ça comme des extraterrestres, des choses qu'au fond, peut-être qui viennent de la Terre aussi, là. Oui, ben il y en a certains qui parlent d'intraterrestres ou d'être extra-dimensionnel en parallèle à la nôtre. Parce que, comme anciennement, tu avais les enfers. Puis les enfers, c'était un lieu physique. Il y avait des portes. Puis tu pouvais entrer dans la terre. Puis là, il y avait différentes couches des royaumes. Puis finalement, là, on est rendu avec des extraterrestres, des intraterrestres. Puis on est rendu avec toutes sortes d'affaires. Puis là, après, si on va relire le livre d'Enoch, ben là, on est coloré par tout ça. Puis là, on se met à voir des extraterrestres. Puis des. Alors qu'au fond, c'est encore des formes qu'on nous impose. C'est pour ça que les extraterrestres, c'est tellement large et ça englobe tellement de choses que finalement, bon, et dans le fond, que c'est parce qu'on est aussi, on nous induit une façon de voir. Puis même, je parle à partir des années 60, bon, t'as la patrouille du cosmos, t'as toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Finalement, quand on le regarde avec le recul, on se rend compte que c'est pas mal des idées, ça fait pas mal penser à des idées de maintenant, là. Il y a quelque chose d'idéologique, politique là-dedans. On n'est pas loin de la Société des Nations, puis on n'est pas loin du transhumanisme, puis on n'est pas loin d'un paquet de choses qui allaient venir après. Donc, l'affaire, les extraterrestres, moi j'ai de la misère un petit peu avec ça. C'est clair qu'on a affaire à des forces qui sont plus connaissantes que nous. Puis là, ça veut qu'on les voit comme des extraterrestres. C'est ça qui est induit maintenant. Donc, moi, tout ce que je dis, c'est par rapport à au-delà de la forme. De pas prendre ça pour du cash, là, les extraterrestres, parce qu'immédiatement on a des images avec des êtres qui vivent dans des machines, puis qui ont des laboratoires, puis qui font de la manipulation génétique, alors que dans le passé, si l'être humain il était modifié génétiquement, t'as pas besoin de ça, là. Je veux dire, juste vibratoirement, ça peut changer l'ADN, juste des ondes. Je veux dire, juste. Les rayonnements, des rayonnements, c'est de l'énergie puis de la matière, ça peut influencer l'ADN, ou Oui. juste le fait même faire du bouturage génétique de la façon la plus simple, c'est-à-dire des accouplements. Donc là, l'affaire d'extraterrestre, ça devient un petit peu. Ça vient brouiller tout un petit peu, puis les gens immédiatement, ils ont des images qui sont induites dans ce qu'on pourrait appeler l'inconscient collectif. Puis donc aujourd'hui, le monde, ils ont des rapports avec des extraterrestres. Mais je veux dire, où la différence de maintenant puis il y a 5000 ans? S'il y a des extraterrestres maintenant, ça veut dire qu'ils étaient là il y a 5000 ans aussi. Non, Puis si. c'est probablement les mêmes êtres, mais c'est les vocables qui changent pour les décrire au fil des générations. Autrefois, on parlait d'êtres angéliques ou des démons, hein. C'est ça. Ben, elle a, à mes yeux, la grosse manipulation. Dans le sens que, oui, l'être humain, il est limité dans sa génétique pour pas se révolter. Mais il n'est pas juste limité à ce niveau-là. Je veux dire, il est limité dans son, carrément dans son mental, par des formes. Donc, les extraterrestres, ça cache quoi? Ben, ça cache ce qu'on appelait anciennement les dieux. Puis les dieux, c'était quoi? Si on retombe dans certaines choses d'il y a longtemps, bon, il y avait une autorité sans faille, puis il y a des êtres qui se sont révoltés contre cette autorité sans faille-là, puis par orgueil, ils essaient de l'imiter. Donc nous, on finit que on est des êtres déchus, tenus en laisse par des êtres déchus. C'est pas extraordinaire là, comme situation. En plus, l'être humain, il semble avoir un potentiel de conscience supérieure à ces êtres-là. Donc, c'est pas surprenant qu'ils se fassent limiter.